La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est franchement ! Voilà. Ici Hubert Félix Typhon, vous écoutez Radio Bonbon. C'est à moi. Je suis Marraine la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, la radio des bons cons a une semaine. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Radio Boncon. Et comme tout anniversaire qui se respecte, laissez-moi vous faire un petit cadeau. En ce moment, la plateforme Mubi, M-U-B-I, offre son contenu pendant 3 mois pour la modique somme de 1 euro. Le site propose un contenu très varié avec un nouveau film par jour. En ce moment, c'est coup de projecteur sur Alain René ou Kenji Mizoguchi, mais on peut aussi y dénicher du Marguerite Duras, du Harmony Korine ou encore du Tarkovsky. Des classiques et des exclus, bref, une petite mine d'or avec des films du monde entier. Oh yeah! Mais aujourd'hui, cap sur le cinéma européen. Laissez-moi vous présenter 3 de mes cinéastes préférés, découverts pour la plupart au festival Premier Plan d'Angers. Ils font désormais partie de mes références que j'ai très très envie de vous partager. Oh yeah! En numéro 1, cap sur le cinéma britannique avec la réalisatrice Andrea Arnold. Je vous invite à découvrir toute sa filmographie qui n'est pas si longue, mais encore trop méconnue. Elle a notamment réalisé une adaptation des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë en 2011, ainsi que l'excellent American Honey en 2018, dans lequel Shia LaBeouf ne chie pas dans la colle. Andrea Arnold fait partie de ces réalisatrices qui parviennent à représenter le désir féminin à l'écran, et ça, c'est oh wow! Mais le film sur lequel je vais m'arrêter, c'est Fish Tank, réalisé en 2009. Prix du jury à Cannes la même année, il raconte l'histoire de Mia, une ado rebelle de 15 ans, vivant dans une banlieue anglaise et passionnée de hip-hop. Lorsque Connor, le petit ami de sa mère, vient s'installer chez elle, une relation très particulière va s'installer entre eux. Et en même temps, ce Connor n'est autre que Michael Fassbender. Et dedans, il chante California Dreamin'. Je vous laisse écouter. En numéro 2, direction la Suède avec Ruben Östlund. Vous avez peut-être découvert ce réalisateur grâce au merveilleux The Square, Palme d'Or à Cannes en 2017. Un regard très nuancé sur l'art contemporain qui ne laisse pas de marbre. Mais avant cela, Ruben Östlund a réalisé Play en 2011 et Snow Therapy en 2014. L'un raconte une prise d'otage d'enfants par d'autres enfants, l'autre un cercle familial mis à mal par le surgissement d'une avalanche lors de leurs vacances au ski. Des films tous reliés par la vision du monde très particulière du réalisateur, dénoncer les dysfonctionnements de la société avec satire, humour et intelligence. À la fois scénariste, réalisateur, monteur et producteur de ses films, Ruben Östlund n'a plus à prouver son talent. Son prochain film, Triangle of Sadness, devrait normalement sortir en 2020. Bah, trop hâte quoi! Et pour finir, rendez-vous en Grèce avec l'incroyable Yorgos Lanthimos. Vous avez peut-être déjà vu The Lobster, sorti en 2015 avec Colin Farrell. Un cinéma très spécial, mais c'est ce qui fait toute la beauté de la filmographie de ce cher Yorgos. Ses films se suivent et ne se ressemblent pas. Canine, en 2009, raconte l'histoire d'une famille dont les enfants grandissent dans une villa en pleine campagne, sans jamais en sortir et donc sans rien connaître du monde extérieur. Hashtag confinement. La mise à mort du cerf sacré en 2017 met là aussi en scène une famille dans laquelle Colin Farrell, encore lui, en couple avec Neilman Kickol ou Nicole Kidman, va prendre sous son aile Martin, un jeune garçon présentant des troubles du comportement qui va petit à petit s'immiscer dans la vie familiale. Mais le top du top reste La Favorite, sortie en France il y a un an. Le film se déroule au XVIIIe siècle, la France et l'Angleterre sont en guerre, la reine Anne a la santé fragile et entretient une relation privilégiée avec Sarah, sa seconde, qui gouverne un peu à sa place, relation ébranlée par l'arrivée d'Abigail au palais, venue pour chercher du taf. Voilà, en gros, c'est un film superbement mis en scène, des plans incroyables, souvent en contre-plongée, honorant la grandeur de ses personnages, dans un décor monarchique immersif, mon gros coup de cœur de l'année clairement. Et réellement un truc de malade. À présent, je vous laisse découvrir la bande-annonce d'un film prochainement à l'affiche et produite par Boncon Productions. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis opérateur sonore et oreille d'or dans des sous-marins. Ça consiste en quoi ? Je me sers de mes oreilles pour identifier d'autres sous-marins ou des bateaux ennemis. C'est ce qu'on appelle la guerre acoustique. Et c'est dangereux ? François Civil Oreille d'or revient et ce qu'il va entendre n'aurait jamais dû être découvert. Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Mais y'a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. C'est quoi ça, putain ? C'est quoi ce bordel ? Oh putain de merde. On a plus le choix. Faut partir. Putain de merde ! Il est là. Une attaque majeure est en cours sur le sol français. Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte. Nous avons été pris au piège. J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système. Attends, il faudrait que je neutralise ces gamins. Mais ce sont nos frères en face. Ce ne sont pas nos frères, ce sont des bons cons. Tu dors pas ? Je dors plus. J'ai toujours Shallow Oops pour MP3 en audio. Oh wow. Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu concours. Vous devez deviner le film préféré de mon pote Alex, aka Alexandre Deguet, pour ceux qui le connaissent. Le gagnant recevra le droit de proposer un film de son choix que je présenterai dans l'une de mes prochaines chroniques. Oui, c'est clairement un jeu concours de la flemme. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre chronique cinéma. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous plaisir, arrêtez de culpabiliser quand vous vous faites plaisir, ne rien faire est aussi un plaisir, mais surtout, restez branchés sur Radio Boncon, la radio des boncons. Gros bisous. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu te dis complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestille ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Ah, c'est... Franchement ! Voilà.